De faux cheveux, de faux ongles, de faux cils, des produits pour se décaper la peau ou pour faire grossir les seins et les fesses. Avec les femmes, les recettes pour séduire, il y en a toujours. Comme ce phénomène des fesses artificielles. Une solution plus pratique, plus rapide et moins nocive pour avoir des rondeurs. Il faut juste se rendre sur les différents marchés du district d'Abidjan pour acquérir le chef-d'œuvre. Ça, c'est mieux que les comprimés. Parce que les comprimés donnent des insuffisances rénales. On appelle ça Bobraba pour augmenter les fesses. Il y a d'autres aussi, il y a bassin et puis il y a des fesses. Donc elles veulent augmenter, elles peuvent acheter aussi. En un clic, il est désormais possible d'avoir des fesses et des bassins bien rebondis et le volume souhaité. Démonstration avec cette vendeuse. Ces faux fessiers pour arrondir le poitrier sont faits de culottes rembourrées avec de la laine ou de la mousse. Il y en a de toutes les tailles. Un business juteux. Ça marche très bien. Les femmes commandent ça beaucoup. On envoie ça du pas. Elles reviennent avec leurs camarades pour commander. Il y a un fournisseur qui vient nous livrer. D'autres quittent en France, d'autres quittent en Chine. Bon, ça, on fait à 12 000 à débattre. Donc, elles peuvent avoir ça à un dernier prix, 10 000 ou bien 8 000. On prend ça avec des gens qui quittent en Europe avec. Avoir des fesses galbées avec de faux fessiers, effet de mode ou pas, les adeptes ont chacun toute une bonne raison. Les fausses fesses, ce n'est pas forcément pour avoir les fesses. Il y a des tenues qu'on porte qui ne sont pas adéquates. Soit il y a des filles, par exemple, qui n'ont pas de fortes cuisses. Donc il y a des filles qui portent ça pour que la tenue descende bien. Il y a des filles aussi qui ont de fortes cuisses qui n'ont pas de fesses. Donc elles portent ça pour que la tenue soit bien. Je suis intéressée. Il y a fesses, mais ma forme n'est pas trop ça. Donc je vais prendre pour augmenter un peu. Je veux que ma forme sorte. Pour être sexy, pour être attirante, pour être belle, pour être bien en forme. Comme les hommes de ménage, les filles en forme là-dedans, j'aimerais bien prendre ça et être en forme. Aucun sacrifice n'est de trop pour les femmes quand il s'agit de séduire. Aux fesses artificielles s'ajoutent des gaines fessiers et des seins artificiels. Cette gaine, ça aide les fesses tombées pour soulever. Et puis, ça aplatit les ventes aussi. Les femmes qui ont le gros ventre, ça leur permet de s'habiller en sexy. Ça peut augmenter les seins, comme si tu veux porter les habits décolletés aussi. Là. Tu as porté. Ça t'aide à soulever les seins. C'est mou. Des fesses artificielles, de faux bassins, de faux seins, des accessoires subtils pour se rendre belle. Tout un arsenal de beauté pour attirer le regard. Et ça marche. Mais attention à ce faux physique. Maintenant que si tu portes, bon, si ton gars t'appelle, bon, allons-y au lit. Arrivé là-bas, oh, tu enlèves. T'as décoré le mari, c'est pas joli à voir. Ça peut donner une nouvelle forme à la femme. Mais si je découvre cela en chambre, bon, je serais déçu parce que je me dis qu'elle cache sa vraie valeur. Faux seins, des fausses fesses, on entend parler. Mais il n'a pas encore été victime ni mon entourage. Le jour où ça va m'arriver, en tout cas, tel que je me connais, il serait très en colère et puis... Si c'était à l'hôtel, il sait qu'il va la laisser là-bas pour rentrer chez moi tranquillement. J'ai des amis qui ont été trompés. Il a dragué la fille là. Maintenant, arrivé à la maison là, il a trouvé que non, la fille là, elle a porté chiffon. Bobaraba, pour augmenter ses fesses là. Maintenant, et puis elle avait porté sein aussi, silicone là, pour augmenter ses fesses. Maintenant, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui là, moi, mes amis là, ils disent non, ils ne veulent pas. Ce phénomène des accessoires de mode pour avoir des rondeurs ne serait pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est la nouvelle tendance dans les capitales africaines, entre autres Bamako et Ouagadougou. Derrière des fessiers sexy, peut se cacher de la laine ou de la mousse. Comme quoi, toutes leurs rondeurs ne sont pas naturelles. Avant, le phénomène était culturel. Chez le peuple à Caen, par exemple, les femmes attachaient plusieurs pagnes pour se faire des rondeurs à l'occasion des cérémonies. Mais aujourd'hui, le constat est tout autre. C'est la beauté du faux.